reste seul. Je fume des clopes, je pense à toi, qui pense à moi. Mourir d'amour, rien que pour moi, moi qui m'en fous, qui chante ce soir. Je t'aime. Je reste seul, seul dans ma chambre, en plein soleil. Je suis des eaux, je suis distant, je prends mes gardes pour notre bien, mais malgré tout, je t'aime. Je t'aime.